الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهدى أما بعد إن شاء الله تعالى بإذن الله جل وعلا je vais tâcher et tenter de proposer au public francophone une série de cours toujours des cours concis et brefs pas plus de un quart d'heure ou 20 minutes au maximum mais en essayant d'être encore plus concis que d'habitude et tout ceci dans le but de proposer au public francophone pour cette série de cours des cours qui seraient attraits ou en question avec la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, yani siratu nabi ou siratu an-nabawiyya, c'est-à-dire la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Pour ceci, je vais m'appuyer sur une explication qu'a apporté Sheikh Abdrazak ibn Abdul Muhsin al-Badr. Sheikh Abdrazak al-Badr, le bien connu savant de Médine, fils de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Le Sheikh, il y a deux ans maintenant, a fait le commentaire d'une poésie de 200 vers qui a été écrite par Ibn Abil Izz al-Hanafi. Ibn Abil Izz al-Hanafi est un savant très connu car c'est celui qui a commenté l'Aqida al-Tahawiyya et c'est parmi les commentaires. Les meilleurs commentaires, si ce n'est le meilleur commentaire de l'Aqidatu al-Tahawiyya. Et donc ce savant-là, Ibn Abil Izz al-Hanafi, qui est mort en 792 de l'Égypte, a écrit une poésie très courte, très belle, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est composée de 200 vers. Donc moi je vais pas traduire, mais je vais prendre les grandes lignes. Déjà, je ne vais pas traduire la poésie car ceci est très long et serait stupide, mais je vais prendre les lignes directrices de l'explication de Sheikh Abdrazak sur les vers de poésie pour faire profiter au public francophone la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Il est très important de donner de l'importance à la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam car elle est riche d'enseignements et nous serons questionnés, comme chacun le sait, dans sa tombe sur les trois questions, qui sont les trois fondements. Et parmi ces questions-là, il y a « Quel est ton prophète ?» Et « Alayhi salatu wassalam ». Et plus ta connaissance est détaillée sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, plus tu es proche de lui et plus tu peux le suivre. Et Inch'Allah ta'ala, on essaiera d'apporter des événements ou des... on essaiera d'apporter, Inch'Allah ta'ala, des enseignements profitable pour tout à chacun, Inch'Allah ta'ala, en ce qui concerne la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc sans introduire le sujet plus longtemps que cela, je me lance tout de suite dans le vif du sujet. Donc le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été dit qu'il est né le 10 du mois de Rabi' al-Awwal. Le 10 du mois de Rabi' al-Awwal. Il est important de connaître les 12 mois de l'année lunaire, car à chaque fois ici dans ce cours nous allons mentionner des mois lunaires, hein, le plus connu des musulmans étant le mois de Ramadan, le 9e mois lunaire, mais il y en a 11 autres, Inch'Allah ta'ala, dans le cours suivant, Inch'Allah ta'ala, on mentionnera en détail dès le début du cours quels sont ces 12 mois, pourquoi, pour qu'on puisse savoir à quel mois justement, dans quel mois nous sommes et qu'on puisse se repérer par rapport à cela, pour qu'on ait des repères, on va dire, temporels. Donc il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 10 du mois de Rabi' al-Awwal, qui est l'année, comme chacun le sait, Inch'Allah ta'ala, l'année de l'éléphant, Am al-Fil. Et l'année de l'éléphant, pourquoi l'année de l'éléphant? Car il y a le roi Abyssin qui s'appelle Abraha, qui a voulu se rendre sur la Mecque pour détruire Al-Kaaba, pour détruire la maison sacrée. Et ici, on le sait tous, il y a une sourate qui s'appelle sourate Al-Fil, l'éléphant. Et dans cette sourate, Allah dit, je dis les versets en arabe, après je traduirai en français, ou je lirai plutôt la traduction, « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alayhim tayran ababil, termihim bi hijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. » Donc, la traduction, Inch'Allah ta'ala, Allah dit dans le sens des versets en français, N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée, qui leur lançaient des pierres d'argile et les a rendus semblables à une paille mâchée? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné cette année dans le Coran. Et les Arabes, à l'époque, n'avaient pas de calendrier. Le calendrier égyrien, c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui l'a mis en place. Et on commence à chroniquer et à dater dans l'islam à partir du début de l'Égypte. Et cela, je pense, sous l'impulsion de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Mais avant, comment chroniquer, comment dater les Arabes les années? C'est très simple. Ils dataient les années en fonction des événements importants qui s'y passaient. C'est-à-dire que si dans l'année il y a eu quelque chose d'important, comme par exemple ici l'histoire de l'éléphant, et bien ils disaient Aam al-Fil, l'année de l'éléphant, car il y a eu l'événement de l'éléphant qui s'y est produit. Ou alors par exemple, je ne sais pas, je dis à titre d'exemple, c'est faux, c'est juste qu'on puisse comprendre, par exemple si toute une ville a été brûlée, il pourrait chroniquer par rapport à ceci, car c'est un événement qui a marqué les esprits. Ou alors, je ne sais pas, des cataclysmes liés temporels, c'est-à-dire des catastrophes naturelles. Des catastrophes naturelles. Il datait par rapport à des événements qui avaient marqué les années. Il a été aussi dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi al-Awwal de l'année de l'éléphant. Et ceci est la parole la plus célèbre chez les savants, c'est-à-dire qu'il est né le 12 de Rabi al-Awwal. Et donc on voit très bien qu'il y a une divergence sur le fait de sa naissance. Quand est-ce qu'il est né? Et on a aussi avancé qu'il est né le 8. Comme Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, je vais essayer au minimum de ne pas mentionner de sources, car ceci n'est d'aucune utilité pour celui qui écoute le cours. Le but étant de prendre des connaissances d'une manière très brève et d'une manière complète. Mes cours sont pris du livre de Cheikh Abd al-Razzaq. Je n'invente rien. Je ramène vraiment les sources quand ceci est nécessaire et aide au sujet. Donc on a eu trois dates, le 10, le 12 étant le plus connu parmi les savants et le 8. Ici Cheikh Abd al-Razzaq nous dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il ne découle pas de règles religieuses ni de statuts religieux sur le fait qu'on connaisse cette date ou pas. Pourquoi? La réponse est simple, c'est-à-dire que s'il en découlait des règles religieuses, Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait donné la date de manière sûre et certaine. Il ne nous aurait pas laissé dans le choix, est-ce que c'est dans le doute, est-ce que c'est le 8, le 10, le 10 ou le 12. Le fait que les gens ont divergé sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve que quoi? Prouve qu'il n'y a pas de statut religieux qui en découle. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait donné soit par un texte dans le Qur'an ou un texte du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam une preuve, ou justement un texte sur lequel on peut se rattacher afin que les gens ne divergent pas sur cette question là. Donc ça a été dit, je pense que c'est clair. Donc il n'y a pas de preuve claire pour pouvoir affirmer que l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé tel ou tel jour. Je répète, les jours qui ont été avancés par les savants, et il y a une divergence entre eux, il y a le 8, le 10 et le 12. Le prophète alayhi salatu wasalam est né 50 jours après l'événement de l'éléphant. 50 jours après l'événement de l'éléphant. Et il est né un lundi alayhi salatu wasalam, comme il est venu dans Sahih Muslim, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est né un lundi. Et c'est aussi le jour où il a reçu la révélation. Et le shir après nous dit ensuite que c'est aussi le jour où il a quitté la Mecque pour Médine, le jour où il est arrivé à Médine, et c'est le jour où il est décédé alayhi salatu wa salam. Donc il nous est parvenu dans Sahih Muslim que le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit: je suis né un lundi et c'est le jour aussi où j'ai reçu la révélation. Et Cheikh Abd al-Razzaq continue en disant que c'est le jour où le prophète alayhi salatu wa salam a quitté la Mecque pour Médine, car comme on va voir dans sa vie, alayhi salatu wa salam, à un moment il a été dans l'obligation de quitter la Mecque pour aller à Médine. C'est le jour aussi où il est arrivé à Médine, quand il a émigré, il est arrivé un lundi, et c'est le jour où il est décédé, alayhi salatu wa salam. Autre événement qui est mentionné lorsqu'on parle de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son père est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Donc c'est un orphelin de père, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais connu son père. C'est-à-dire que son père est mort avant qu'il naisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion à cela dans surat ad-Duha, quand il dit « Alam yajidka yatiman fa'awa » Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors Allah t'a accueilli. Alors il t'a accueilli. Alam yajidaka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors Allah t'a, alors il t'a accueilli. C'est-à-dire alors Allah t'a accueilli. Donc s'il faut retenir quelque chose de ce premier cours, et je m'arrête ici, c'est que le prophète alayhi salatu wasalam est né l'année de l'éléphant. Il est né 50 jours après cet événement. Et on peut dire aussi que les Arabes chroniquaient et dataient les événements, les années, par rapport à des événements importants qui marquaient justement ces années-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin de père à sa naissance. Allah a fait allusion à cela dans Surat ad-Duha. Allah a fait aussi allusion à l'année de l'éléphant, ou à l'événement de l'éléphant dans Surat al-Fil, la Surat de l'éléphant. Parmi tous ces deux surat sont dans Juz Amma. Et de même, parmi les choses qu'on a mentionnées, que le prophète alayhi salatu wasalam est né un lundi, comme il est venu dans Sahih Muslim. Donc en gros, c'est à peu près ça qu'on peut dire sur ce premier cours. Et j'espère qu'inchallah ta'ala, j'aurai la possibilité d'enchaîner les cours sur la biographie du prophète alayhi salatu wasalam. Et ceci est d'un grand intérêt. Comme j'ai dit, nous serons questionnés sur le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, et quel est ton messager dans notre tombe. Et plus le musulman a de connaissances approfondies sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il sera à même de comprendre des choses dans sa religion. Par exemple, on va voir que la prière a été légiférée la 9e année après l'envoi du prophète alayhi salatu wasalam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-Isra wal-Mi'raj, et que la prière n'était pas quelque chose que les musulmans faisait tout de suite dès que le prophète Mohammed est arrivé avec son message d'unicité. Donc ça, c'est des choses qui te permettent de mieux comprendre la religion, de savoir comment les lois sont arrivées, comment la législation musulmane est arrivée. Elle n'est pas arrivée d'un bloc. Tout ceci a été étape par étape. De même, quand le prophète alayhi salatu wasalam est parti à Médine, il a émigré pour Médine, comment il a construit un état islamique, ainsi que les al-Razawat, les batailles qu'il y a eu entre les musulmans et les mécréants. Tout ceci est d'un grand intérêt, et ceci te permet de mieux comprendre ta religion. Donc le but est cela, le but de ce cours, ou de cette série de cours, et inshallah ta'ala, de pouvoir d'une manière, on va dire, je ne vais pas dire le mot ludique, mais d'une manière intelligente, et des cours brefs, car on sait très bien que des cours de plus d'une demi-heure, plus d'une heure, c'est long pour les personnes, les gens n'ont pas le temps d'écouter cela, mais 10, un quart d'heure jusqu'à 20 minutes, déjà un quart d'heure ça commence à être long. Les gens n'ont pas le temps plus que cela. Je préfère une personne qui écoute trois fois un cours d'un quart d'heure et qui le maîtrise, qu'une personne qui écoute un cours d'une heure et qui n'en retient rien ou très peu. Donc ceci est l'objectif de notre cours. Le livre de Cheikh Abdelrazak fait 100 pages. Si à chaque fois on explique, là je viens d'expliquer 3 pages, ne serait-ce que à travers ce cours-là, on pourra faire une série de 20 cours ou d'une trentaine de cours où on aura un aspect global sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est pas un livre détaillé, et ce n'est pas le but, et c'est ce qui fait justement le grand intérêt de ce livre-là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse des gens pieux, et qu'il fasse de nous des musulmans qui connaissent leur prophète alayhi salatu wa sallam et qui le suivent. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.